La boucle est bouclée. On a fini de jouer. Yeah. Ce que j'avais tant redouté. On a fini par s'user. Tu te rappelles, on était. Tu te rappelles cet été. C'est comme si on y était. J'ai peur de plus te comprendre. Entre avancer et attendre. Avancer et attendre. La connexion est perdue. Séparation hyper dure. Les sentiments qui perdurent. La connexion est perdue. Séparation hyper dure. Les sentiments qui perdurent. Où est l'époque où tu kiffais ma maladresse? Toujours le cœur serré quand je rentre à la messe. On faisait partie du décor. Boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On a fini de jouer. Ce que j'avais tant redouté. On a fini par s'user. Par s'user. On a fini par s'user. Tu te rappelles, on était. Comme si on y était. La boucle est bouclée. On a fini de jouer. Yeah. Ce que j'avais tant redouté. On a fini par s'user. Par s'user. Yeah. On a fini par s'user. Bébé, tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. On a fini par s'user. La boucle est bouclée. La connexion est perdue. Séparation hyper dure. Les sentiments qui perdurent. La connexion est perdue. Séparation hyper dure. Les sentiments qui perdurent. Où est l'époque où tu kiffais ma maladresse? Toujours le cœur serré quand je rentre à la messe. On faisait partie du décor. La boucle est bouclée.